faire décoller la tapisserie des murs avec leur cuivre d'enfer. Sortez déguisements du garde-robe qui soient créatifs. Des prix seront remis aux plus beaux costumes. Ça va être complètement capoté puis gratos. À 23h30, c'est la soirée DJ. Le bal du lézard, 1049 3e avenue, Limoilou. Bonsoir les amis, bonsoir les amateurs de musique progressive, c'est l'émission Terrain Incognita du 14 octobre 2017 et vous êtes en compagnie de Bruno, France et Jean-François. Et bien, on va être là pour les deux prochaines heures, puis on, même si on est fatigué parce qu'on a vu beaucoup de concerts, il en sera évidemment question de tous ces concerts-là qui viennent d'arriver et qui... les prochains à venir. Ben oui, il y en a encore beaucoup à venir. On n'est pas au bout de notre rouleau. Non. On n'est pas au bout de nos peines. Mais ben, c'est pas des peines, c'est toujours un grand plaisir. Mais on a aussi beaucoup de musique à écouter. Et ben en parlant de musique, je parlais avec Marc juste avant l'émission. Là, il m'a appelé et puis il me faisait part d'une chose qui est bien importante, c'est les podcasts que Marc ajoute là avec les sur le site de Terra Incognita à www.terraincognita.quebec. Où ce que vous trouvez à la section radio, toutes les émissions, la description, la setlist, comme on dit. Et ben Marc a rajouté des podcasts et des anciennes émissions. Donc, il y en a de plus en plus qui sont disponibles. Je pense que c'est le fun d'aller réentendre certaines vieilles émissions et voir si on est passé par-dessus quelque chose de bien. Et bien, pour commencer cette émission, on a. C'est relativement nouveau. C'est sorti dans les derniers mois, mais je n'avais pas encore mis la main dessus. C'est Abel Gance qui nous a ressorti Gratuitous Flash, un disque qui est paru à l'origine en 1986. Mais il a été remasterisé et c'est avec une nouvelle pochette et ça s'appelle de 2016 Remastered. Et ben, on va en entendre un extrait. Il y avait là-dessus Alan Reed. Tu sais qui est Alan Reed? Ben oui, l'ancien chanteur de Palace. Ben oui, un petit monsieur tout petit avec une grosse voix. Là, une puis des grandes voix. Oreilles. Oh, c'est pas gentil. C'est pas cool. Excusez. Mais Alan Reed, il a sorti un bon disque aussi dans les derniers mois. On en avait écouté des extraits ici. Mais là, pour l'instant, on va entendre Abel Gance. Sa voix le mûrit depuis le temps, hein, parce que ça fait déjà un petit bout de temps. On s'en rend compte sur cet extrait-là. On est dans des terres néo-progressives et ça n'a rien à voir avec le Abel Gance dernière formule que personnellement, je préfère. Moi, j'aime beaucoup le côté folk, là, puis le côté folklore un petit peu écossais là, qu'on retrouve sur les deux derniers disques. En passant, ils sont venus nous visiter l'an dernier. Hein, c'était bien le fun. 2016. Exactement, 2016, oui. C'est l'an dernier. Mais je voulais dire que Alan Reed, parce qu'il me fait penser à un elfe. Un elfe? Oui. Ben oui, il est tout petit puis il a une grosse voix. C'est un petit bonhomme tout petit. Il est pas grand, mais il a beaucoup de coffres. Eh bien, on va entendre aussi une pièce d'Eloy, le dernier album que moi j'aime beaucoup. Là. Ça s'appelle The Vision, The Sword and The Power. C'est la partie 1, donc c'est très ambitieux. Frank Bornman, ben je pense qu'il s'est donné comme projet d'en faire en tout cas plus qu'un. Là. Et ben, on complétera ce bloc avec His Project, un disque que Michel vous a présenté dernièrement, qui s'appelle The Archinauts. Et ensuite, ben, on vous parlera des. On parlait de concerts, là, mais demain, il y a quelque chose d'important. Oui, c'est Discipline avec Sonus Umbra à l'Antibar. Ben puis oui. Ça débute à 19h30. Oui, exactement. Et ben, je pense que. Ben, j'en parlais aussi avec Marc. On dirait qu'on n'a pas parlé beaucoup. C'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, cette affaire-là. Puis. Il me semble que ça se parle pas beaucoup. C'est de la grosse visite, ça, Discipline, puis Sonus Umbra. Oui, mais bien. On en parlera plus dans un prochain bloc. Mm. Donc, on y va en musique avec Abel Gance. We'll be right back. have thanks for sending me to Shinnon with an escort. I promise you that from now on, the fate of our land will turn. Verily, the King of Heaven sent me to save our suffering people. I will defeat the hostile invaders with a great army and banish them from the land. We'll be right back. massive contrast in my mind. Perfect images in this land of light. We are Archonauts. We must leave this ground. They stand. Darkness. IS Project, on ne sait pas trop comment prononcer ça. Je ne sais pas si c'est IS Project ou en tout cas. Ce que j'ai remarqué, c'est que les deux principaux, c'est Ivan Santovito et Ilenia Salvemini. Et donc, c'est, les deux, ça fait IS. Fait que j'imagine que c'est de là que vient leur nom. Autrement, Project, il y a beaucoup de groupes qui s'appellent Project, hein. Je pense qu'on devrait passer à d'autres choses à un moment donné. Mais reste, la musique est très bonne. Puis c'est un disque qui est dirigé par Fabio Zuffanti. Lui, on ne le présentera pas, c'est pas nécessaire. Non, il est assez connu. Je penserais, oui. Et il y a aussi Martin Grice qu'on avait vu au Festival Terra Incognita avec le Z-Ban. C'est aussi le saxophoniste de Delirium. Et juste avant, on avait Eloy de leur dernier album, et on va en entendre aussi dans le troisième bloc un autre extrait. On avait débuté avec Abel Gans. Et ben hier, il y avait un gros événement qui a lieu ce soir aussi, c'est-à-dire Prog Story. Oui. Oui, c'est le fun, hein? Une belle sélection et surtout un jeu là, assez extraordinaire de la part de beaucoup de membres, entre autres Christian Paco à la basse, là, qui est très dur à suivre. Là. C'est un bassiste là, assez extraordinaire. Et ben, on ne parlera pas de Gabriel Cyr, le guitariste de Universe Effect, qui est absolument extraordinaire. Il y a pas de mots. Un virtuose. Il n'y a pas de mots. Ben, un virtuose, c'est sûr. Mm. Ben, ce qu'il nous disait, c'est qu'il était rendu à la maîtrise. Hein? Ouais, il étudie présentement en maîtrise, en plus d'enseigner. Ben, je pense qu'on peut le considérer comme une sorte de génie. Là. En tout cas, on espère qu'il va trouver le tour de vivre de la musique. Ça serait à souhaiter. Il ne faudrait pas que ce talent-là se perde. Et ben, la semaine dernière, c'était Roger Waters au Centre Vidéotron. Un concert, disons, de grande envergure, de très grande envergure, même avec une foule d'effets spéciaux, un son quadrophonique absolument extraordinaire. On s'attend à ça de Roger Waters. Une bonne sélection de pièces, quoique moi j'aime mieux le Pink Floyd un petit peu plus underground, mais il y a quand même deux extraits de Animals. Mm-hmm. En Dogs et Pig. Et ben, je pense qu'il s'est payé la tête du président américain. Oh oui, avec le cochon, avec la tête de Trump dessus. Ben oui, mais je pense que c'est un gars qui est assez critique et ben, il ne se gêne pas pour le faire. Et ben, la semaine dernière aussi, c'était une grosse fin de semaine. Unreal City, le groupe italien qu'on a reçu ici. Et ben, Michel et Marc ont concocté une petite prestation live en studio avec l'équipement à Marc. Là, c'était quelque chose de beau à entendre. Hein, c'est bien réussi. J'ai pas entendu, moi. Ben, tu avais juste écouté le podcast, mais il est toujours disponible. Je ne l'ai pas écouté. Pas eu le temps. Bon, c'est des choses qui arrivent. Mais je suis sûr que nos auditeurs ont jeté une oreille là-dessus. Et ben, le concert qui avait lieu à l'Anti, ben, c'est un gros succès. Là. Je pense que ça ne pouvait pas être plus que ça, parce que s'il y avait eu quelques personnes de plus... On les mettait sur le trottoir. On les aurait accordés autour de la scène. Mais oui, un très bon spectacle. Et ben, moi, je trouve qu'en première partie, Shatters a bien fait aussi. Ils ont très bien ouvert cette soirée-là qui a été un succès total. Il faisait chaud et il y avait de l'atmosphère. Et ben, il faisait chaud, ça pue. Ah, non, le monde se lavait. Non, les gens étaient propres. Les amateurs d'Unreal City, c'est des gens propres. Tout le monde t'a bien lavé. Et ben c'est ça, on a écouté une pièce parce que bon, ce nouveau disque-là, bon, beaucoup moins flamboyant que les deux précédents. On va se donner le temps un petit peu de l'apprivoiser. Ben, y a Carole hier avec qui j'en parlais, qui lui l'aime bien finalement. Là, il va le placer dans ses meilleurs disques de l'année. Tant mieux. Moi, c'est pas encore mon cas, là. Mais on verra avec l'avenir. Parce que pour l'instant, je trouve un petit peu pâle. Mais en tout cas, la pièce qu'on va entendre, c'est très différent de ce qu'on connaît de Unreal City. Donc, c'est ce nouveau disque qui s'appelle Frammenti Notturni. Et un groupe canadien que Michel aime beaucoup ces temps-ci, c'est Monarch Trail. Donc, on va en entendre un extrait qui s'appelle Back to Start et on va débuter avec un groupe qu'on aime bien tous les deux, c'est RPWL, qu'on a écouté beaucoup dernièrement, mais c'est pas des reprises de Pink Floyd cette fois, c'est un disque en spectacle qui s'appelle A New Dawn. Toi, tu avais parlé du concert sur DVD qu'on a écouté dernièrement. Ben là, je me suis procuré l'album qui porte le même titre et on va en entendre un extrait assez long qui s'appelle Swords and Guns. L'ombre del giardino andiamo via e dicevi tu oh. We'll be right back. in history, like in a nightmare. Thousands of men to set Jerusalem free. There ain't no joy like this. A chance to praise the Lord and to defend the priest. Come and take up the sword. I'm not going. I'm not going home. Don't let me twist where my longings. I'm not going. Death, we don't do what we want to do. It's the Lord, He wills it. Wherever sin may be, and the night came on. Face to face we'll meet, with the Lord on our sight, we start to kill them all. Just starts with basic needs, against the eastern road. The spirit and esprit. Soon we'll be no more. I'm not going. I'm not going home. Don't let me twist from my longings. I'm not going. I'm not going home. I can see a star is rising. Left, right, left, right, straight up. I'm not going home. tanné de donner des bonbons à l'Halloween puis tu cherches une place pour fêter en gang, c'est au Bal du Lézard qu'il faut aller le samedi 28 octobre prochain. Dès 21h, viens entendre de Lowdown Brass Band, un groupe de Chicago avec 8 musiciens qui vont faire décoller la tapisserie des murs avec leur cuivre d'enfer. Sors tes déguisements du garde-robe puis sois créatif. Des prix seront remis aux plus beaux costumes. Ça va être complètement capoté puis gratos. À 23h30, c'est la soirée DJ. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, Limoilou. RPVL, et c'était précédé de Monarch Trail. On avait débuté avec Unreal City. Ben, France, je pense que tu as des petits concerts à nous faire part. Oui, ben, la semaine prochaine, ben, on a dit tout à l'heure, Discipline puis Sandro Sombra à l'Antibar demain à 19h30. La semaine prochaine, à la salle Jean-Paul Tardy, le 21 octobre, c'est Pendragon. Oui. Le 28 octobre, au bar Le Cluster, c'est Gigi Project, hommage à Gentle Giant. Ça arrive sud, ça. Oui, ça arrive sud, à Lévis. Le 10 février, au Palais Montcalm, c'est Steve Hackett. Et le 20 avril, malheureusement, pour ceux qui n'ont pas été vite sur le piton, ben c'est complet pour Steven Wilson. Puis le 26 mai, au Collège Garneau, c'est Arena. OK. Donc, on poursuit avec... et là, il y a une autre pièce de ce disque qui s'appelle The Vision, The Sword and the Power. Et on va entendre les tourelles. Moi, je trouvais que c'était pas assez long, la pièce qu'on a entendue avant. Et ensuite, ce sera Il Cerchio d'Oro. C'est un quatrième disque, c'est ça, pour Il Cerchio d'Oro, un disque italien, comme vous en doutez bien. Et ben moi, je vais y aller de... Je vais y aller de ma sélection de Sky Architect, un disque qui s'appelle Nomade. Il y a déjà des extraits qui ont joué avec Marc et Michel. Donc, moi, je joue avec Into Singularity, mais on débute avec Eloy. We'll be right back. she will survive. We pray for her, but doubt shake the mind. While the trumpets resound to retreat, we lose all our hope. Our fortune is fading away. Desperation prevails in glorious form. Downhearted now, we sink to the ground. Disappointment all around. Deepest depression is all that remains. Spare blood and strains, we're all in vain. Abandoned by God, lost in despair. Discouraged, we lay down our arms. No hope left inside, numbness prevails. All of a sudden, a sign of heavenly guide rises and wakes to new life. Still on the barrel, she points out the dark. Seizing her banner, she rides on the wind. A promise of victory at the end. New motivation is filling the air. Miracles by a fall. Despite all men's endeavors, it goes on and on. Que c'est joli tout ça. Moi, j'aime ça, une trompette comme ça. Là. Ça me donne des frissons. Il y a quelques groupes là, dernièrement, comme Mad Fellas, là, qui avait une trompette absolument extraordinaire aussi. Là. Et ben, il y a Gentle Knife, qu'on va entendre dans le prochain bloc, qui a beaucoup de trompettes aussi, et toutes sortes de cuivres. Ton téléphone fait des dépalerons. Eh bien oui, France Surveille, Prog Story, là. Il y a des posts. Là, puis... Ben oui, il y a eu un petit pépin. Ben oui, il semblerait qu'il y a eu un petit pépin avec les claviers. Bon, mais c'est tellement compliqué leur organisation. Il y a des instruments sur scène, 8 musiciens quand même. Hein. Et ça joue comme des machines. En tout cas, c'est... On est encore un petit peu là-dessus. Là, des problèmes techniques. Fait que... ben, c'est normal d'avoir des petits problèmes techniques. Et ben, après ça, ils déménagent leur pénate à Montréal. C'est le 23 octobre à Montréal, je crois. Puis il y a Gatineau aussi. Oui. Et après ça, ben, comme on dit, sky is the limit, on espère pour eux autres. Hein. Ils ont tellement travaillé sur ce show-là, ça sera le fun qu'il soit diffusé, surtout que... Ben, c'est une partie de la planète. Ça vaut à peine d'être vu. Oh oui. C'est des belles interprétations. Donc, à la trompette, c'était Sky Architect, leur album Nomad. On a entendu Into Singularity juste avant Il Cerchio d'Oro. Et on avait débuté avec Eloy, qu'on aime beaucoup et qu'on avait failli voir. Je l'ai encore sur le cœur. Au Nirfest. Il était programmé au Nirfest Apocalypse en 2012. Et malheureusement, un accident de la route avait... disons, contraint Frank Bornemann à rester en Allemagne. Son médecin, il avait interdit de prendre l'avion, c'était trop dangereux pour lui. Et ben nous autres... On l'avait au UK. Ouais. Mais... On va passer là-dessus. ça va faire des heureux quand même, mais moi, en ce qui me concerne, j'aurais aimé voir Eloy. Et on poursuit en musique avec Andrea Orlando. Un autre Italien, vous l'aurez compris. Et il y a beaucoup de monde avec lui. Entre autres, il y a le chanteur de la Maschera di Cera, Alessandro Corvaglia. Et il y a aussi Marcella Arganese, qu'on a vu à la guitare. Avec Austin Atten. Ben oui. Et ben, c'était beau de l'avoir, la petite femme derrière ce Stratocaster. Tu vois qu'elle se débrouillait assez bien, mais la guitare paraissait tellement grosse. Et, ben oui, fait qu'on va entendre une pièce d'Andrea Orlando et ce sera suivi de Gentle Knife. nights and dreams, then it was all in vain. While nothing's what it seems, where will I go when there is no one to turn to now? What shall I do? My bridge is burning behind me. Thank you. De la Norvège, Gentle Knife, et juste avant, du Japon, Andrea Orlando. Du Japon. C'était pour savoir si t'écoutais. Mais non, ça venait plutôt d'Italie. Et bien, c'est déjà presque tout pour nous. Stéphane s'en vient avec l'autoroute. Et bien, pour vous rappeler, le spectacle demain au Bar Lanti, ce sera Sonus Sombra et Discipline qui a sorti cette année un très bon disque qui s'appelle Captive of the Wine Dark Sea. On n'en mettra pas cette semaine parce qu'il a joué abondamment dans les derniers mois, mais on va entendre un extrait de Sonus Sombra du dernier album qui s'appelle Beyond de Pamtikon. On va entendre Grotesquerie. Et c'est tout pour nous cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine. Et là-dessus, bonne semaine. Et peut-être demain au Bar Lanti. We'll be right back.